tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, Homme-animal, une frontière fragile, une série de Michel Alberganti, réalisée par Manouchak Fachaï. Au départ de cette série, il y a une cohabitation perdue. Ce vieux chat grognon qu'on ne regardera plus du même œil ou ce cochon d'Inde craintif dont on voudrait désormais lire les pensées. Et puis aussi, tous ces animaux, du cafard à la girafe, en passant par les pigeons boiteux, avec qui on partage notre territoire sans même plus en avoir conscience. Et puis il y a toutes ces images prises dans les abattoirs que l'on préférait ne pas avoir vues, et cette certitude que la disparition des abeilles ou des oiseaux ne peut être qu'un très mauvais signe. Et enfin, il y a cette question de savoir si on est vraiment plus malin que cette vache qui nous fixe en ruminant. Alors pour commencer, les personnages. Un généticien, un philosophe, un acousticien et un historien qui cherchent la voix des animaux. Xénophon le cavalier, un écureuil qui compte, un éléphant qui ne veut pas boucher sa trompe, un éthologue, des comportementalistes, des chimpanzés astronautes et une philosophe qui remet les choses à plat. Ensuite, le décor. Des outils, le propre de l'homme qui ne l'est pas, la voix de Vercors, un colloque, les droits des animaux, des expériences mal pensées, des cartes mentales, la certitude d'être supérieur, une espèce comme une autre et une domestication consentie. Aujourd'hui, premier épisode, on sort les archives. L'homme est tenu pour un animal supérieur et il est défini de manière zoologique et biologique. Et on pense que l'ayant ainsi défini, nous n'avons plus de questions à nous poser sur l'essence de l'homme, puisque cette essence, ce sera simplement sa façon d'être. Alors qu'en réalité, tous les anthropologues en sont encore à se disputer absolument sur les dispositions physiologiques nécessaires d'un anthropoïde pour pouvoir être appelé un homme. N'est-ce pas, entre le singe et l'homme, ou plus exactement entre les premiers primates et l'homme, il y a toute une cascade d'anthropopithèques qui se rapproche de plus en plus de la forme humaine. Il manque certains chaînons et on ne sait pas du tout à partir de quel chaînon on pourrait appeler cet animal un homme. Vercors, l'auteur des Animaux dénaturés publié en 1952, exprime bien les difficultés que l'homme a toujours rencontrées pour se définir par rapport aux animaux. Déjà en 1637, Descartes note que les savoirs acquis par les êtres humains pourraient les rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Au XIXe et au XXe siècle, l'euphorie scientiste accentue la sensation de suprématie de l'homme. En 1822, Auguste Comte prône une action collective que, dans l'état actuel de toutes leurs connaissances, les hommes civilisés peuvent exercer sur la nature pour la modifier à leur avantage, en dirigeant toutes leurs forces vers ce but. Deux siècles plus tard, nous y sommes. L'homme est capable de modifier le climat de la Terre, il exploite jusqu'à épuisement toutes les ressources de la planète. Pour nourrir une population qui croît de plus en plus vite, nous abattons chaque année environ 240 milliards d'animaux. Certains dénoncent un massacre, d'autres un génocide. Et des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent pour condamner l'expérimentation animale, ou l'élevage en particulier intensif. Ainsi, aujourd'hui, la question que se posait Vercors il y a plus de 60 ans n'a rien perdu de son acuité. Au contraire, la frontière entre l'homme et l'animal apparaît de plus en plus fragile, en particulier au regard des avancées de la science dans la compréhension de l'intelligence animale. Bonjour, moi je m'intéresse à l'histoire de la protection de la nature et également à l'histoire de la faune sauvage. Bonjour, anthropologue, je travaille sur la relation homme-animal entre les éleveurs mongols et leurs animaux. Un début d'assemblée, donc nous sommes dans les locaux de l'Université de Lyon. Cette réflexion est au cœur du colloque-atelier organisé par l'historien Éric Baratet. Et il y aura donc une vingtaine d'intervenants. Je suis un généticien et je trouve de l'ADN dans les fossiles pour raconter l'histoire des animaux. Je suis maître de conférence en philosophie et je travaille sur les grands prédateurs. Bonjour, qui dit la communication acoustique des oiseaux chanteurs. Effectivement, on se rend compte que les sociétés occidentales sont de plus en plus soucieuses des animaux, de la condition animale. Et l'idée qui court depuis les années 2010, c'est justement dans cet intérêt pour les animaux, au niveau des sciences humaines et des sciences de la nature, c'est essayer de donner plus de place aux animaux. Et ça, c'est aussi une demande sociale, ça intéresse beaucoup les gens. Hein. On le voit d'ailleurs beaucoup avec le succès de livres au grand public, comment parler chien, comment parler chat. Et puis ça mûrit petit à petit dans la population. Les éthologues ont commencé à poser des questions, des gens comme Jane Goodall à partir des années 60. Et puis depuis une dizaine d'années, on voit philosophes, ethnologues, historiens, etc. Se poser cette question-là. Donc on est là pour ça, pour comment faire. Alors, premier intervenant, Jean Bezon, qui est professeur à Montpellier. Oui, tout à fait. Christophe va nous parler des chevaux dans l'anabase de Xénophon. Les questions sur les rapports hommes-animaux sont depuis assez longtemps mes objets d'études. Bon, écoutez, je crois qu'on va ouvrir. Donc, je vous remercie d'abord d'avoir accepté de participer à cet atelier que l'on peut appeler « Penser du côté des animaux », puis ensuite j'ai appelé « Construire une histoire animale des animaux ». Relation homme-animal. Les animaux sont-ils moins intelligents que nous ? Éric Baratet, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici à l'Université de Lyon où vous organisez un colloque qui se nomme « Construire une histoire animale des animaux ». Alors pourquoi avoir organisé ce colloque ? Eh bien c'est dans le cadre d'un programme de recherche financé par l'Institut universitaire de France. Et l'idée c'était de, année après année, sur 5 ans, bâtir un espèce de traité de la méthode sur justement comment penser du côté des animaux, comment penser avec les animaux. Et le résultat, ça serait, au bout du compte, de donner une méthodologie pour construire une histoire animale. Alors, histoire au sens large du terme, hein, c'est absolument pas disciplinaire, c'est histoire des origines des animaux jusqu'à nos jours. Donc pour cette année, le point commun, c'était comment interroger les documents que nous pouvons avoir autour de nous pour retrouver cette part animale que bien souvent on néglige, que l'on n'aborde pas. On a souvent la tentation de ne regarder que le versant humain des choses. Et là, donc, comme le dit Jean-Christophe Bailly, on essaye de voir le versant animal. Mais alors évidemment, beaucoup de chercheurs ne sont pas habitués à cela. Ils vont très vite aller chercher le versant humain des choses, comment l'auteur a parlé, d'où vient-il, quelle est sa formation, et s'il y a des animaux, mais à quoi servent ces animaux pour les hommes, etc. Alors qu'en fait, l'idée, c'est vraiment essayer de rechercher ce qui se passe du côté des animaux. Alors vous avez déjà vous-même travaillé sur cette revisitation de l'histoire des animaux en essayant de la décrire vue par les animaux eux-mêmes. Oui, c'est ce que j'ai appelé, alors d'une manière forte, le point de vue animal. C'était un peu pour provoquer. Il est bien évident que c'est à la fois cette idée de point de vue, c'est un objectif qui doit essayer de nous forcer à sortir de nos lectures habituelles. Et en même temps, on sait très bien que ça n'est pas atteignable à 100%. Hein, c'est un peu la courbe asymptotique, c'est-à-dire qu'on va tendre vers, mais on n'atteindra jamais, tout simplement parce que nous ne sommes que des hommes. Une espèce de mouvement anti-anthropomorphique. C'est un peu ça. Alors, à la fois anti-anthropocentrique, ne pas toujours mettre l'homme au centre de tout, et aussi anthropomorphique, c'est-à-dire en cherchant quelle est la part de l'animal, il ne faut pas non plus faire une projection humaine et n'avoir qu'une, comment dire, retracée de cet animal que selon l'homme, ça serait totalement fausser les choses. Donc il y a effectivement ce double mouvement à mettre en place. J'aimerais maintenant savoir qu'est-ce que vous entendez par homme. Nous venons de voir que l'homme ne peut pas se définir par sa constitution biologique, ou plus exactement que la notion que nous nous faisons nous-mêmes de l'homme n'est pas une notion biologique, mais une notion de comportement. Et par conséquent, nous trouverons la définition de la notion de l'homme dans un certain comportement, et ce comportement devra évidemment, être commun à tous les hommes, quel que soit leur progrès mental ou au contraire leur sauvagerie, est absolument différent de tout le comportement des animaux. Ce comportement de l'homme dont parle Vercors a considérablement varié au cours du temps. Vis-à-vis des animaux, il n'a pas toujours été aussi condescendant qu'au cours des derniers siècles. Ainsi, dans la Grèce antique, Xénophon décrit la place du cheval dans l'Anabase, cette expédition de 10 000 mercenaires grecs engagés pour lutter contre le roi de Perse. Le nom de l'Anabase, Xénophon, il a un réel intérêt pour les animaux, notre auteur. Bon, vous le savez, sans doute, il a servi dans la cavalerie athénienne au début de sa carrière et puis ensuite dans la cavalerie en général. Et il s'intéresse aux habitudes des cavaliers qu'il rencontre sur son chemin. Christophe Chandezon, professeur d'histoire grecque à Montpellier, décrit cette relation particulière entre l'homme et l'animal. Il y a dans les textes grecs une façon de parler de l'animal qui est très fréquente, très prestigieuse, dès le début de la littérature grecque, qui est l'usage allégorique de l'animal. On a ça dans les comparaisons homériques. Et puis on a ça aussi à travers un genre littéraire qui est très important dans la Grèce archaïque, qui est la fable de type ésopique. Et évidemment, ce discours allégorique sur l'animal qui sert à parler des hommes, c'est évidemment un discours hyper anthropocentré. Et quand il est important dans un texte, ça nous complique évidemment la vie par rapport aux missions qui nous ont été données pour cet atelier. Et bien Xénophon a peu recours finalement à cette façon-là de parler des animaux. Il en parle pour eux-mêmes, en règle générale, et pas parce qu'il y voit un discours pour parler des hommes. Ça permet ce qu'on pourrait appeler une rotation des points de vue, ce texte ici, assez facile en quelque sorte, pour passer de ce côté de l'histoire, c'est-à-dire du côté des animaux. Et puis, la raison qui fait que ce texte est intéressant pour nous, c'est qu'il se situe dans le regard grec sur l'animal à un moment qui est un moment charnière. On le sait tous, le mot zoion, qui veut dire être vivant, au départ, pendant longtemps, le grec, il a désigné tous les êtres vivants. Donc on va parler de l'homme comme un zoion, très facilement. Et puis à un certain moment, ça se passe dans le courant du 4e siècle, ce mot bascule et il prend le sens d'animal par opposition à l'homme. Pour distinguer l'homme de l'animal, le critère de l'intelligence reste très souvent utilisé. Florence Burga, philosophe. Alors la notion d'intelligence animale renvoie déjà pour moi à un débat philosophique très ancien, puisque dans l'Antiquité, il y avait les partisans de l'intelligence animale, qui ne sont pas les aristotéliciens, qui ne sont pas les stoïciens, qui ne sont pas les épicuriens, qui sont tout un certain nombre d'auteurs, dont Plutarque par exemple, au fil de siècles, et qui vont montrer que l'observation des animaux permet d'affirmer qu'ils enchaînent un certain nombre de raisonnements. Du reste, Montaigne, dans les essais, reprendra très largement à son compte ces anecdotes antiques, et on sait aujourd'hui que dans l'éthologie contemporaine, les anecdotes occupent une place tout à fait importante, puisque elles permettent de remettre en question des grilles éthologiques un peu mécanistes, un peu liées à toute la culture de l'instinct animal. Le 16 février 2015, le Parlement français a adopté une loi qui modifie le statut juridique de l'animal, désormais considéré comme un être vivant doué de sensibilité. À partir du moment où les associations ont la faculté de représenter les animaux en justice, le débat est en fait tranché, l'animal est devenu sujet de droit, puisque par l'intermédiaire d'un représentant, il peut ester en justice. Dans l'article 515-14 du Code civil, l'animal n'est plus considéré comme un bien meuble, ce qu'il était dans le Code civil depuis 1804. Néanmoins, le régime des biens corporels reste applicable aux animaux. Cette loi ne modifie donc pas fondamentalement les protections dont ils peuvent bénéficier du fait de l'absence de contraintes pratiques sur leur traitement, pour l'instant. La lecture longue historique, on peut se dire quand même que c'est une énorme révolution sur le temps long. Éric Baratet. Dans le droit rentre cette idée d'animal sensible, qu'on a longtemps combattu, que le christianisme ou que les philosophies occidentales ont longtemps combattu, pas toutes, mais la plupart des philosophies ont combattu. D'après le récit de la Genèse, les animaux auraient été créés par Dieu uniquement pour les besoins ou l'agrément de l'homme devenu en quelque sorte le nombril du monde. Les singes parvenaient difficilement à découvrir leur utilité immédiate dans ce qu'on pourrait appeler le planning de Jéhovah. Vous avez l'encyclique du pape François, Loué sois-tu, qui est paru en 2015, qui est un renversement remarquable. Alors il parle peu des animaux, c'est minoritaire, c'est peut-être 10% du texte, mais c'est remarquable sur le temps long. Il rompt avec une tradition chrétienne qui est un christianisme, qui n'est pas le christianisme, c'est une version du christianisme qui s'est imposée depuis les premiers pères de l'Église jusqu'à nos jours. Il rompt avec cela, il se rapproche beaucoup des théologiens protestants, sans le dire d'ailleurs, il n'ose pas trop. Mais il y a une révolution. Et il en vient, par exemple, à condamner les philosophies malsaines ou les théologies malsaines qui ont fait trop d'anthropocentrisme. Et notamment, il condamne un christianisme qui s'est trop imprégné de philosophie anthropocentrique. Et là, il vise directement le platonisme. Le platonisme a véritablement configuré le christianisme, et notamment dans cette idée de hiérarchie des êtres, l'homme tout en haut, ayant une âme immortelle alors que les animaux n'en ont pas, etc. Et tout ça n'est pas dans la Bible des premiers livres. Ce sont des interpolations, une exégèse qui est venue après, notamment de Père de l'Église, très influencée par la philosophie grecque et en particulier le néoplatonisme. C'est une vision qui nous est presque naturelle. Philippe d'Escola l'a montré dans son ouvrage « Par-delà nature et culture », comme quoi l'Occident était vraiment imbibé de cette vision. Et dans la vision pyramidale, évidemment, l'homme est au sommet, les animaux sont en dessous, et l'homme est vu comme celui qui concrétise le mieux les facultés des vivants. Et donc l'intelligence, eh bien, il faut la définir à la manière humaine, puisque c'est lui qui l'exprime, qui la concrétise le plus. Qui la personnifie, qui l'idéalise presque. C'est le « je pense, donc je suis » de Descartes, etc. Et donc, toutes les intelligences animales en dessous ne peuvent être que amoindries, ne peuvent être que des petites intelligences en réduction, voire des pseudo-intelligences. Mais il me semble qu'il faudrait parler d'intelligence animale au pluriel, puisque, bien évidemment, nous avons l'habitude erronée de parler de l'animal pour évoquer des espèces extrêmement différentes, entre le chimpanzé et le moustique, quel est le rapport? Donc il faudrait parler d'intelligence animale au pluriel. Il y a une spécificité, bien sûr, des formes d'intelligence. Sachant que le terme intelligence, quand nous le prononçons à partir de la nôtre et de notre conception de l'intelligence humaine. Alors nous pensons l'intelligence animale bien sûr à partir de l'intelligence humaine et là nous sommes d'une certaine manière méthodologiquement un peu limités, c'est-à-dire que nous partons immanquablement de la forme de vie que nous connaissons le mieux, c'est-à-dire la nôtre, pour essayer de penser d'autres formes de vie. Cependant, les philosophes, et je pense à Husserl en particulier, montrent comment cet anthropomorphisme méthodologique peut précisément nous aider à comprendre les animaux, puisqu'il y a dans le comportement animal une intentionnalité, une orientation, une cohérence que nous reconnaissons, même si leurs comportements ne sont pas les mêmes que les nôtres, il y a une forme que nous reconnaissons. Si votre gros chien pomme reconnaît votre voix, si votre caniche Dolly sait se tenir à table, c'est peut-être parce qu'ils ont appris tout seuls avec leurs petites cellules grises. De nombreux scientifiques, preuves à l'appui, nous montrent que les animaux sont capables de réfléchir, de fabriquer des outils et parfois de calculer plus vite qu'un humain. Voilà un écureuil. C'est étourdi, un écureuil. Et pourtant, celui-là, apprivoisé, tourne dans son tourniquet pour s'occuper. On va lui donner un drôle de problème. La dame a tapé 5 notes sur un petit piano. 5. L'écureuil sort, et quelle boîte va-t-il ouvrir? Celle qui porte 5 points. On tape 2 fois seulement, et l'écureuil va ouvrir la boîte à 2 points. 4 notes maintenant. 4. Il va ouvrir la boîte à 4 points. 6 notes. 6. Cette fois, il réfléchit un peu. Mais voilà, il se souvient bien, et ouvre la boîte à 6 points. Vous avouerez qu'il les a gagnées, ces noisettes. Dans le domaine de l'étude des capacités cognitives et comportementales des animaux, en particulier celles des singes, le primatologue et éthologue Franz De Waal joue un rôle important. Auteur d'une douzaine d'ouvrages sur ce sujet, il souligne les erreurs qui faussent parfois le résultat des expériences sur l'intelligence animale. Il y a beaucoup de fautes qui étaient faites dans les années passées, où les gens ont dit l'éléphant ne peut pas faire ça, ou les oiseaux ne sont pas très intelligents. Et il y a beaucoup de fautes qui étaient faites dans le domaine de dessiner les expériences qu'on présente aux animaux. Et maintenant, on fait ça mieux. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus de développement et c'est pour ça qu'il y a des découvertes chaque semaine presque qui sont impressionnantes. Pouvez-vous nous donner un exemple justement des mauvaises expériences, des erreurs que l'on a faites dans cette volonté d'évaluer l'intelligence animale? Par exemple, avec l'éléphant, ils ont fait une expérience où ils mettent la nourriture dehors du cage d'éléphant et ils donnent aux éléphants d'un bâton pour qu'il utilise ça pour attraper la nourriture, comme les singes le font tout le temps. Mais l'éléphant n'a rien fait. Et ils ont conclu que l'éléphant ne peut pas utiliser des outils. Jusqu'au moment qu'un autre chercheur a mis la nourriture très haute sur le plafond, et trop haute pour l'éléphant, et il a donné certaines boîtes qui n'étaient pas sous la nourriture, mais dans d'autres endroits, et l'éléphant a pris les boîtes et les bougé jusqu'au moment qu'il pouvait se mettre dessus pour attraper la nourriture. Ils ont spéculé que l'éléphant ne veut pas utiliser sa trompe pour prendre des outils, parce que pour faire ça, il faut fermer son organe avec lequel il sent. Il ne veut pas faire ça pendant qu'il cherche pour la nourriture. Il y a beaucoup d'expériences comme ça qui étaient faites dans une façon que ça ne marchait pas d'abord. Après coup, il y a des chercheurs qui ont trouvé des façons de le faire marcher. Oui. Est-ce que ça signifie qu'on a trop tendance à avoir une approche anthropomorphique de l'expérimentation, que l'on projette nos propres aptitudes sur les animaux, alors que ce que vous dites, c'est qu'il faut partir du contexte de l'écologie des animaux pour pouvoir trouver les expériences qui font sens pour eux? Oui, c'est vrai que nous, on pense toujours de notre corps. On pense que la trompe d'éléphant, on pense que c'est comme un bras, mais c'est beaucoup plus complexe qu'un bras. Oui, on traduit le corps d'une autre espèce dans notre corps, mais ce n'est pas toujours correct. Voyons maintenant une expérience sur l'intelligence des rats. On a mis de la nourriture dans ses godets. Mais pour y arriver, il faut passer par une de ces trois portes. Le rat arrive, comprend que la porte différente est la bonne, puisqu'elle s'ouvrait quand il la poussait du bout du nez. Il a fait son apprentissage. Maintenant, on peut lui compliquer la vie. L'obliger à sauter au lieu d'essayer de pousser les portes du bout du nez. Il sautera dans la bonne porte, celle au raie verticale qui est différente des autres, même si on la change de place. Indiscutablement, ce rat a réfléchi. Aujourd'hui, on part de l'idée que l'animal doit être considéré dans sa relation avec son environnement. Jacques Vauclair, fondateur du Centre de recherche en psychologie de la connaissance, du langage et de l'émotion. Ce qui permet, en utilisant des outils qui sont essentiellement liés, puisqu'on s'intéresse à l'intelligence, on va s'intéresser à ce qu'on appelle la cognition, c'est-à-dire qu'on va essayer de décrire les processus cognitifs, depuis la perception, la motricité, jusqu'au raisonnement, voire le langage, la conscience, essayer de décrire des ensembles comportementaux qui permettent de comprendre les capacités d'adaptation et aussi les limites de cette adaptation en fonction de l'espèce et en fonction des contraintes sociales qui sont en jeu. À la lumière de cette évolution, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une conception de l'intelligence animale qui a pu changer assez fortement à la suite du développement de ce mouvement ? Alors, je crois que un tournant très important a été celui des sciences cognitives qui sont apparues en gros dans les années 1950 et qui ont conduit en fait à utiliser des procédures d'investigation objective qui sont issues du behaviorisme nord-américain avec Watson et Skinner, sur lesquelles en fait on a plaqué des modèles, notamment ceux qui sont issus des théories d'information, et qui permettent de saisir en fait des comportements en essayant d'abstraire la structure interne d'organisation des actions sous forme de modèles, de représentations. Le concept de représentation, d'image mentale par exemple, joue un rôle très important aujourd'hui pour décrire en fait des niveaux d'intelligence chez plusieurs espèces animales. Un exemple plus peut-être concret de cette différence d'approche ? Un exemple très simple qui est lié à un comportement adaptatif essentiel pour un animal, c'est la façon dont il s'oriente dans l'espace. Il est tout à fait vital pour n'importe quelle espèce de savoir se retrouver dans son environnement, retrouver son gîte par exemple. Et on a pu décrire chez le rat, mais aussi chez les oiseaux, chez les primates, toute une série de mécanismes qui permettent justement d'organiser l'espace, de construire ce que certains ont appelé à juste titre des cartes mentales, c'est-à-dire en fait des représentations relativement abstraites des éléments de l'environnement dans lesquels un animal va se déplacer et qui lui permettent très rapidement, si par exemple il s'est éloigné de son nid pour trouver de la nourriture, il va parcourir l'espace de façon plus ou moins aléatoire en fonction des sources alimentaires. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'une fois qu'il a trouvé sa nourriture, eh bien, il va rentrer généralement à son gîte, à son nid, en utilisant une voie directe, rapide, ce qui présuppose donc qu'il a une connaissance de son espace qui est indépendante des trajets qu'il a fait, par exemple, à l'aller, et qui lui permettent de prendre en quelque sorte un raccourci pour rentrer chez lui. Et donc, ces capacités sont évidemment liées à la présence d'une organisation spatiale, représentationnelle, qui permet à l'animal d'organiser ses espaces de façon tout à fait efficace et rapide. Donc ça veut dire qu'il a le sens de l'orientation, comme on dit parmi les humains. Les animaux ont le sens de l'orientation en utilisant différentes modalités sensorielles. Ils peuvent utiliser la vision, ils peuvent utiliser l'olfaction, ils peuvent utiliser le sens magnétique, ça a été démontré chez les oiseaux. Et il se trouve que toutes ces modalités sensorielles sont en fait regroupés sous la forme d'une carte mentale de représentation qui assure en fait l'efficacité des déplacements et qui permet d'être éventuellement réutilisé lors d'un déplacement ultérieur. Parmi ces boîtes marquées de points noirs, une seule contient de la nourriture. La boîte a 6 points. Et l'on montre au corbeau un tableau qui porte précisément 6 points. Immédiatement, notre corbeau va ouvrir la boîte à 6 points et se sert, car il lui faut bien une récompense. Le voilà au milieu de boîtes qui portent de gros points et d'autres, regardez bien, tout petits. En somme, on lui a brouillé les pistes. La dame lui a montré un tableau qui comporte un seul gros point et un petit. Et ce corbeau va ouvrir la boîte qui a 2 gros points comme s'il avait compté. Peut-être reconnaît-il les boîtes à leur place. On les change d'emplacement. On lui a montré un tableau qui avait 4 gros points et 2 petits, soit 6 en tout. Maître Corbeau réfléchit au milieu des boîtes. Et voyez, il ouvre du bec la boîte qui a 6 points. On peut donc supposer qu'il sait compter. Vous me direz que le corbeau est particulièrement intelligent. Oui, moi j'ai fait beaucoup de recherches sur la réconciliation, la consolation, l'empathie, la coopération, la politique des chimpanzés, des choses comme ça. Et dans tous ces domaines-là, moi je dirais que les singes, ils sont socialement et émotionnellement comme nous. On n'est pas très différents, on est des singes en fait. Franz de Waal. Et si tu vas voir d'autres espèces, comme les oiseaux ou les poissons, bien sûr, il y a des différences. Et ils ont pas besoin de forcément une politique, parce que la structure d'une société de chimpanzés est très similaire que de notre, mais la société de certaines poissons est beaucoup plus simple. Alors, ça dépend d'espèces. Mais maintenant, par exemple, il y a beaucoup de recherches sur les familles de corbeaux, et on a toujours pensé qu'ils n'étaient pas très intelligents parce que les oiseaux, ils n'ont pas de néocortex. Et maintenant, on sait qu'en fait, la densité de neurones est très haute dans le cerveau des oiseaux, et que la structure du cerveau est très similaire, en fait, aux mammifères, beaucoup plus similaire qu'on pensait avant. Alors tout ça, c'est en train de changer, et maintenant, la recherche sur la famille de corbeaux est très développée. Par rapport à cette notion de besoin de chaque espèce, vous citez dans un de vos livres cette espèce d'oiseau qui niche sur des parois très abruptes, avec des nids très inaccessibles, et qui ne reconnaissent pas leur progéniture. C'est assez spectaculaire, parce qu'elles n'en ont pas besoin, finalement. Oui, il y a des espèces de mouettes qui habitent dans de grandes colonies, où ils sont tous avec nid après nid dans la colonie. Et là, les parents, ils peuvent reconnaître leurs jeunes, parce qu'ils ont besoin. Parce que si leurs jeunes marchent, sortent du nid, il faut qu'ils le rattrapent. Il y a d'autres espèces de mouettes qui sont très liées. Ils sont très similaires, en fait, de surface. Mais ils habitent dans des colonies où chaque nid a son propre endroit, ils sont séparés et les jeunes ne peuvent pas sortir. Eux, ils ne peuvent pas reconnaître leurs jeunes. La reconnaissance des jeunes, c'est en fait lié aux éclosies d'espèces. Et ça, c'est souvent le cas. C'est, même entre les espèces qui sont très liées, qui sont très similaires, ça qu'ils ont besoin, ils ont développé, et ça qu'ils n'ont pas besoin, ils n'utilisent pas. Est-ce que ça ne remet pas complètement en cause cette volonté de comparer les espèces entre elles, du fait que finalement il n'y a pas forcément de point commun, ou ça peut arriver, mais ça peut être un hasard. Il n'y a plus de point commun et donc pas de mesure comparative possible. Est-ce que c'est le cas ? Oui, ça c'est lié au grand débat dans notre science. C'est qu'il y a le behavioriste de Skinner et tout ça qui pense qu'il y a une façon d'apprendre et une façon de comprendre le monde universel pour toutes les espèces. Et les différences entre espèces pour eux ne sont pas importantes. Ils ne peuvent pas concevoir même que c'est important parce que dans leur monde, c'est des capacités universelles. Et maintenant, dans la biologie, il n'y a personne qui pense comme ça. On pense tous dans des écologies et des adaptations spécifiques pour certaines espèces et aussi le taille des cerveaux. Par exemple, un éléphant, il y a un cerveau de 4 kg. Nous, on a un cerveau de 1,5 kg. Une souris a peut-être quelques grammes. Et bien sûr, ça fait une différence. Bien sûr, un éléphant a même plus de neurones que nous. Alors bien sûr, un éléphant plus intelligent qu'une souris, peut-être même plus intelligent que nous, on ne sait même pas ça. Mais pour les behavioristes qui ont dominé notre genre de recherche pour aussi long, ce genre de différence n'était pas important. Mais maintenant, on reconnaît que certaines espèces ils ont des capacités incroyables et d'autres espèces ils n'ont pas ça. Aux États-Unis, pour le chimpanzé, on s'en sert là-bas comme cosmonaute. On a remarqué en effet que ce sont des sujets d'élite dans ce domaine. Ils gardent mieux leur sang-froid que les hommes, peuvent s'astreindre plus longtemps à des tâches monotones et ont de meilleurs réflexes. Peut-être les premiers hommes sur la Lune seront-ils des chimpanzés. Évidemment, là aussi, il faudrait sortir du concept l'animal. L'animal ne veut rien dire. Il n'y a pas d'animal qui se promène dans la rue. Il y a des chevaux, il y a des chiens, il y a des chats. Éric Baratet. Et on voit bien comment, depuis des millénaires, on fait des comparaisons entre une espèce réelle, l'homme, face à l'animal qui n'est qu'un concept. Et comparer une espèce à un concept, en fait, la comparaison ne tient pas. Évidemment. Ce qui fait que bien souvent, l'animal que l'on décrit est un animal fictif, où l'on rassemble tous les animaux. Souvent, comment dire, on va jusqu'à dire « Oh, ils ne doivent pas avoir ci, ils ne doivent pas avoir ça ». On fait souvent beaucoup d'hypothèses en les tenant pour certaines, et pour pouvoir comparer à l'homme, et l'homme sortant toujours gagnant de la comparaison. Et évidemment, c'est de tout ça qu'il faut sortir. Est-ce que si l'on parvient un jour à comprendre les animaux, à déchiffrer certains éléments de leur langage, entre guillemets, même s'ils ne passent pas forcément par la voix, ils peuvent passer par d'autres moyens, est-ce que cela changerait notre relation avec les animaux de votre point de vue ? Alors, peut-être que comprendre mieux les animaux changerait en partie notre relation. Mais je pense que le problème n'est pas un problème de manque de connaissances scientifiques. Florence Burgat. Je crois que les sciences de la vie, les sciences du comportement, pourraient mettre noir sur blanc sur la table toutes les capacités extraordinaires des animaux, décrypter leur langage et dire « Voyez, nous avons là la preuve que les animaux ressentent très précisément les choses, et ça n'est pas douteux de mon point de vue, je crois que notre problème n'est pas là, parce que il y a quelque chose qui nous relie et qui s'appelle l'humanisme métaphysique, et qui est cette croyance. Alors avant, c'était la religion qui nous la fournissait, ou qui la fournit encore, bien sûr, aux gens croyants. Mais la pensée laïque continue, de ce point de vue, à être fondamentalement religieuse, hein, et à détacher l'humain pour le mettre sur un piédestal. Et je pense que donc, à partir du moment où notre croyance dans la différence anthropozoologique et d'ordre métaphysique, les animaux peuvent bien faire preuve de toute la complexité, toutes les capacités imaginables, il faut changer notre état d'esprit. Et donc je crois que cette course à la preuve est un peu vaine. Ce que prouvent toutes ces expériences, c'est que tous les animaux que nous venons de voir, différents les uns des autres, sont capables d'un commencement de réflexion. Ils sont intelligents, pas comme nous, mais qu'il y a en eux un commencement d'intelligence. Et c'est au bout du compte une raison de plus de respecter ceux que nous appelons encore des bêtes. Ah, depuis quelque temps, mon chien m'inquiète. Mon chien m'inquiète. Il se prend pour un être humain. Et je n'arrive pas à l'en dissuader. Oh, c'est pas que je prenne mon chien pour plus bête qu'il n'est, hein. Mais que lui se prenne pour quelqu'un, hein. C'est un peu abusif. Enfin, quoi est-ce que je me prends pour un chien, moi? Quoique. Le critère de l'intelligence, que nous avons posé nous-mêmes comme caractéristique distinctive, apparaît de moins en moins valide pour placer l'homme au-dessus des autres animaux. Et qui n'a pas entendu l'expression d'un être humain face à un chien, par exemple, il ne lui manque que la parole. Serait-ce là le fameux propre de l'homme ? Pour ce qui me concerne, je me suis intéressé à l'animal parce que je souhaitais connaître les limites Jacques Vauclair. D'une intelligence sans le langage. On sait que dans l'espèce humaine, le langage, la communication, l'intentionnalité jouent des rôles très importants dans la structuration de notre vie. Et je trouvais que le modèle animal était intéressant parce que on sait que les animaux ont des systèmes de communication sophistiqués, mais certainement pas un langage au sens de langage articulé tel que nous l'entendons. Et donc, l'intérêt de la comparaison, c'est de montrer les limites d'une intelligence globale. Et en quelque sorte, au fur et à mesure des connaissances qui ont été accumulées dans le domaine de la psychologie comparée, les méthodes n'ont pas changé, mais ce qui a changé, c'est les limites. Pendant longtemps, par exemple, on pensait que l'espèce humaine se caractérisait par des capacités à utiliser des outils. Or, on a pu montrer que beaucoup d'espèces animales, à commencer par des espèces très simples, comme des insectes ou des oiseaux, utiliser des outils. Donc l'outil qui était un critère, en quelque sorte, de discrimination entre l'intelligence animale et l'intelligence humaine, eh bien, il a fallu le dépasser. Et donc l'outil n'est plus un caractère distinctif de l'intelligence humaine. On a cherché d'autres frontières, en quelque sorte. Donc les méthodes ne changent pas, mais ce qui change, c'est les frontières, en fait, entre les espèces. C'est très difficile de définir le propre de l'homme parce que chaque fois qu'on dit que c'était quelque chose, finalement, on a montré que c'était pas tout à fait vrai. Georges Chapoutier, neurobiologiste et philosophe. Alors, ça l'est quand même un peu. Je prends l'exemple du langage parce que très souvent, les philosophes donnent le langage comme une argumentation de la spécificité humaine. Même si on a montré qu'il y a des ébauches de langage chez certains animaux, on connaît pas tout. Est-ce qu'il y en a chez le dauphin ? Personne n'en sait rien. Mais effectivement, on connaît, par exemple, on peut apprendre des ébauches de langage à des chimpanzés ou à des gorilles. C'est l'homme qui leur enseigne, bien sûr. On n'a pas mis ça en évidence dans la nature. Mais le petit humain aussi, s'il n'est pas éduqué par l'homme, eh bien, il n'apprend pas le langage non plus. Donc, il y a un peu un équivalent. Alors, ceci dit, les langages des chimpanzés et des gorilles, ça ne va pas très très loin. C'est de l'ordre de 200 à 300 mots, quelques règles de grammaire simples. C'est de l'équivalent du bébé qui dit minou, mémé, salon. Mais c'est intéressant. Le fait qu'on ait des ébauches de langage chez certains animaux n'exclut pas le fait que le langage, dans sa complexité, sa double articulation et son extrême complexité est une spécificité de l'homme. Voilà un exemple. Donc, on est parvenu à distinguer chez les chimpanzés plus de 30 cris différents, représentant une gamme subtile de sentiments, d'émotions, voire d'exclamations ayant un sens très précis. C'est là un vocabulaire assez étendu. Mais les Noirs primitifs prétendent que les chimpanzés sont même capables de parler comme eux. Ils les tiennent pour de vrais hommes, mais des hommes paresseux, ayant perdu le sens des responsabilités. Dégoûtés du travail, de la discipline que leur impose la vie dans les villages, ils ont fui dans la forêt, où ils ont sombré peu à peu dans la bestialité. En fait, ils se garderaient de parler pour n'être pas obligés de travailler. Je me rappelle toujours les manuels de cours de philosophie de terminale, dont chacun des chapitres, je schématise un peu, commence par l'homme contrairement à l'animal, a une histoire, une conscience, un monde. Bon, Florence Burga. Il y a cette définition, où il y avait cette définition privative des animaux, c'est comme ça que je l'avais appelée, c'est-à-dire penser l'animal par tout ce dont il est privé. C'est-à-dire, il est privé de tout ce dont, dans le même moment, on va doter l'humain. Donc ça, je crois, cette vision, si vous voulez, d'une opposition absolument radicale, elle a fait son temps. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en avant comme différence absolue? C'est très difficile de répondre à cette question parce que il y a toujours des cas particuliers. Mais je crois que, bien évidemment, le fait que l'espèce humaine possède l'écriture, encore que tous les groupes humains n'ont pas possédé l'écriture, hein, voilà, c'est, vous pouvez être un humain à part entière et appartenir à une société sans écriture. Donc vous voyez que c'est très compliqué, cette question. Mais on peut dire que, en tout cas, le fait de posséder l'écriture a modifié radicalement les sociétés humaines. Nous ne sommes qu'une espèce. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous avons du mal à nous intéresser à d'autres animaux et à aller de leur côté. C'est très difficile. On a tendance à penser comme des hommes. Et on ne peut pas faire autrement. Nous sommes des hommes. Ça n'a rien de dévalorisant de le dire. C'est comme ça, nous sommes des hommes. Nous avons notre richesse. Nous ne sommes pas comme les autres. Éric Baratet. Donc, on ne peut faire qu'une science humaine, finalement. Mais en même temps, cette science humaine, il faut essayer de la pousser au bout. Et par exemple, là, dans le cas des animaux, eh ben oui, nous ne sommes que des hommes, mais essayons quand même de nous rapprocher le plus possible du chien, du cheval, etc., etc. Nous en avons cette envie, peut-être cette capacité, pourquoi pas. Mais on se rend compte qu'il y a aussi des animaux. Les historiens, les sociologues, les philosophes s'intéressent beaucoup maintenant aux relations interspécifiques entre des individus de deux espèces différentes. On s'intéresse beaucoup aux hommes et aux animaux, à la relation entre les deux, mais il y a une relation pour laquelle il faudrait vraiment s'intéresser, c'est la relation entre des individus de deux espèces différentes, qui n'est pas forcément une relation telle qu'on la voit de prédateurs et de nourriture. Encore dernièrement, sur une télévision, il y avait un reportage animalier montrant un chien jouant avec un petit faon. Alors un faon apprivoisé, enfin bref, mais c'était très marrant de voir comment ils se comprenaient l'un et l'autre. Donc, l'un est un chien, l'un est un chevreuil, mais il y a quand même cette idée, j'essaye de faire avec l'autre. Alors, pendant longtemps, on a cru que la domestication des animaux, ça avait été un rapport de force, que nous avions imposé quelque chose, un ordre, une volonté, une force aux animaux. On sait maintenant, par l'éthologie, que ça a sans doute été beaucoup plus compliqué que ça. Et que pour que des espèces acceptent de se laisser, ou des groupes d'espèces acceptent de se laisser domestiquer, encore faut-il que ces animaux le veuillent. C'est-à-dire qu'elles avaient, ces animaux avaient un intérêt à la domestication. Et on le voit bien, par exemple, dans le cas du chien et du loup, sans doute les loups, des loups, se sont dit qu'en étant proches des hommes, eh bien, l'approvisionnement en nourriture était beaucoup plus aisé. Les hommes, finalement, couraient après les proies à la place des loups et qu'ils leur laissaient les charognes, les cadavres, mais c'était peut-être suffisant. Et donc, le rapprochement ne peut pas se faire que d'un côté. Si le problème de l'âme n'intéresse pas la science, celui de l'intelligence est tout à fait de son ressort. Aussi s'est-on livré à des expériences innombrables pour essayer de mesurer l'intelligence du chimpanzé. It's very interesting to ask questions about just fingers. Le docteur Desmond Morris de la Société zoologique de Londres montre comment un chimpanzé parvient à manœuvrer six types de fermetures différentes pour ouvrir le coffre qui contient sa récompense. Another catch. 1, 2, 3, 4, 5, 6 different actions. Certaines expériences déjà anciennes révèlent une ingéniosité indiscutable. À première vue, les chimpanzés de l'université de Kyoto sont des singes comme les autres. Et pourtant, les scientifiques ont appris à trois chimpanzés de 5 ans à compter jusqu'à 9 et à classer les chiffres. Les chercheurs ont augmenté la difficulté en masquant les chiffres après un laps de temps de plus en plus court. Stupeur, plus le jeu est rapide, plus l'écart avec les étudiants humains se creuse. La mémoire visuelle immédiate des jeunes chimpanzés surpasse la nôtre. On pense souvent dans une échelle. Et il y a des espèces qui ne sont pas très intelligentes, il y a des espèces comme nous qui sont très intelligentes. Il y a une échelle entre les deux, mais ce n'est pas ça comme ça que ça marche. Franz Deval. C'est plutôt un arbre avec beaucoup de branches dans toutes les directions et les corbeaux, ils ont besoin de certaines intelligences qui sont similaires aux grands singes. Mais il y a d'autres choses comme un oiseau. Ils ont des autres orientations, par exemple, qui sont très différentes pour eux. Par exemple, la vitesse de mémorisation de certains singes est très spectaculaire, même sur des ordinateurs, c'est-à-dire sur des outils qui sont les nôtres et qui sont un peu le symbole aussi du développement de l'être humain. Eux peuvent les utiliser de façon beaucoup plus rapide que nous. Oui, il y a une expérience qui était faite avec Ayumu, un chimpanzé au Japon, qui travaillait avec des ordinateurs, qui pouvait mémoriser des endroits, des numéros sur l'écran, beaucoup plus vite que nous on peut. Et il était testé contre des étudiants japonais, il était testé même contre les champions de Grande-Bretagne, et il a toujours gagné parce que son mémoire photographique était beaucoup plus développée et plus vite que chez l'homme. Et je trouve assez étonnant que les gens n'étaient pas contents avec ça. Il y avait des psychologues qui s'entraînaient pour savoir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Ils n'ont jamais fait aussi bien qu'Ayumu. Mais pourquoi on veut toujours être le meilleur? Mais c'est ça. Il y a certaines capacités qu'on trouve chez les animaux que nous, on n'a pas. Oui. Si nous ne pouvons savoir ce que les chimpanzés pensent de nous, en revanche, nous ne nous gênons guère en général pour exprimer notre opinion sur eux. Je les trouve très intelligents. C'est un souci, il fallait regarder à tout point de vue pour leur manière. C'est un peu notre ressemblance, oui. En 217. Ça fait un peu peur. Et il représente un peu l'homme, un peu dans son état primitif, quoi. Dans cette idée d'intelligence, il y a des comparaisons permanentes. Pourquoi ? Parce que l'intelligence est un moyen pour l'homme de se mettre à part. Éric Baratet. Mais alors, le grand changement depuis 10-20 ans, c'est qu'à cette vision pyramidale de la nature, en succède une autre, qui est la vision arborescente. Et que maintenant, beaucoup de scientifiques reprennent, par exemple, l'école normale sur le site de l'École normale supérieure de Lyon, vous avez cette image de l'arborescence pour représenter le monde des vivants. Hein, c'est-à-dire que c'est plus une pyramide, c'est un arbre dont les branches partent dans tous les sens, et les espèces sont disséminées sur ces branches-là. Et à ce moment-là, l'homme est sur une branche, et puis vous, sur d'autres branches, vous avez les animaux les plus proches comme les singes, puis sur des branches plus éloignées, vous avez des animaux plus éloignés. Et à ce moment-là, l'intérêt de cette vision-là, c'est que on ne peut plus définir les concepts comme l'intelligence en fonction de l'homme. Ça ne tient plus. Comment définir un concept en fonction d'une branche pour aller étudier une autre branche? Et donc, ce qui est en train de se faire, c'est ce que Norbert Elias a appelé la montée en abstraction des concepts, hein, c'est-à-dire leur donner une acceptation plus générale pour pouvoir ensuite les décliner selon les espèces. Et donc, il faut chercher une définition plus large de l'intelligence pour ensuite la décliner au niveau de l'homme, au niveau du cheval, au niveau du chien, etc. Et à ce moment-là, chaque espèce a son intelligence. Hein. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant. Parce que la comparaison ne se fait pas dans la privation. On ne va pas comparer pour dire le chien est moins intelligent que l'homme. On va comparer pour dire le chien aura une autre intelligence que l'homme, ou alors une intelligence proche. Les éthologues hongrois, eux, considèrent au contraire qu'avec le temps, à force de vivre ensemble, il y a eu ce qu'ils appellent une coévolution. Et donc, deux animaux biologiquement très différents ont réussi à se comprendre et se comprennent de mieux en mieux. Hein, parce qu'ils se sont rapprochés. Et donc, il n'y a plus beaucoup d'intérêt de comparer pour faire des classements. L'intérêt, c'est de voir la richesse et l'originalité de chaque espèce. Son intelligence ne peut donc placer l'homme au-dessus des autres espèces animales. Mais on peut à l'inverse s'interroger sur certains comportements humains vis-à-vis des animaux et de la nature en général, tout comme envers les autres hommes. Un point qu'on soulève moins, c'est que nous sommes des juvéniles. En science, on dit des néoténiques. Ça veut dire qu'on a une structure de jeune, si j'ose dire. C'est vrai pour notre corps. Nous avons un look de fœtus de singe, une grosse tête, des gros yeux, pas de poils. On est des singes nus. Mais ça se manifeste aussi au niveau intellectuel. Georges Chapoutier, neurobiologiste et philosophe. Nous sommes des animaux extrêmement juvéniles, joueurs. Nous passons notre temps à jouer. Vous regarderez dans les émissions télévisées ou autres le nombre de fois où le terme « jeu » intervient. Jeux sportifs, jeux de hasard, etc. Nous sommes des joueurs. Très souvent, on est doué d'une raison objective. On est des animaux, entre guillemets, intelligents. Mais souvent, on obéit beaucoup plus à notre capacité de jeu qu'à nos capacités de raisonnement. Et on fait de toutes sortes de bêtises parce qu'on préfère jouer plutôt que de raisonner de façon objective. Donc, cette capacité juvénile fait que, outre son intelligence, l'homme est adaptable à tout. En tant que jeune, il peut s'adapter en quelque sorte à tout, et notamment au bien comme au mal. Ce qui explique l'importance considérable de la morale dans notre espèce, ou de la nécessité morale. Dans les autres espèces animales, il y a des proto-morales. Chez le chimpanzé en particulier, j'ai un cousin de chimpanzé, et dans d'autres espèces aussi. Mais dans beaucoup d'espèces, la vie est beaucoup plus ritualisée, beaucoup plus rigide. Et en d'autres termes, l'espèce, ou la génétique, ce que vous voulez, dit assez rapidement à l'animal ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. L'homme, comme il est juvénile, il peut s'adapter absolument à tout. Il peut développer des capacités d'empathie et de sainteté extraordinaires vis-à-vis de ses semblables, et puis des capacités, au contraire, d'abomination, de torture, etc., absolument innommables. Ça, c'est une spécificité de l'homme aussi. Même si nous sommes friands des classements et des hiérarchisations, les recherches scientifiques démontrent que cette approche ne peut rendre compte de la place de l'homme au sein des espèces animales. Par quelle autre représentation pouvons-nous remplacer la confortable pyramide dont nous occupions le sommet? Chaque animal a son propre intelligence, et l'intelligence adaptée à la situation où il a besoin. Nous, comme hommes, on est très impressionnés par des genres d'intelligence que nous, on a. Comme par exemple, on a la langue, on utilise des outils constamment, le cell phone, tout ça. Et on est très impressionné par ça. D'intelligences qui sont très différentes de nous, il y en a plein, on n'est pas tellement impressionné. Par exemple, une chauve-souris peut attraper un insecte dans une chambre complètement noire, et c'est très complexe ce que la chauve-souris fait. C'est pas facile du tout, parce que c'est toute une calculation qui est faite dans la tête des chauves-souris de faire ça, mais on n'est pas tellement impressionné parce que nous, on ne fait jamais ça. Alors, on est très préoccupé avec l'intelligence comme nous. Et c'est pour ça que le chimpanzé, qui est comme nous, qui est très proche de nous, on peut comprendre le chimpanzé, ils utilisent des outils, et on va essayer de leur apprendre de parler et tout ça. Ça nous impressionne, mais si un octopus fait quelque chose, ça ne nous impressionne pas tellement, parce que c'est très différent. Alors, l'intelligence animale, c'est très varié. C'est toujours adapté à la situation. Si tu es un poisson, tu as besoin d'une autre intelligence qu'un éléphant. Et si tu es un éléphant, une autre intelligence que l'homme. Et c'est très dur à comparer parce que c'est aussi très dur de trouver d'expériences, de développer des expériences qui sont comparables. Je me promenais avec mon chien, c'est que je tenais en laisse, et je rencontre une dame avec sa petite fille. Et j'entends la dame qui dit à sa petite fille, « Va, va, va caresser le chien !» Et la petite fille est venue me caresser la main. Alors moi, je lui faisais signe qu'il y avait erreur sur la personne. Que le chien, c'était l'autre. Mais la petite fille a continué à me caresser gentiment la main. Ça. Et la dame a dit, tu vois qu'il n'est pas méchant. Et mon chien, lui, qui n'aura jamais eu l'occasion de se taire, a cru bon d'ajouter, il ne lui manque que la parole. C'était « Les animaux sont-ils moins intelligents que nous ?» Ça vous étonne tout de même. Michel Alberganti, Manouchak Fachali. Les gens ne s'étonnent plus de rien. Avec Éric Baratet, Florence Burga, Georges Chapoutier, Jacques Vauclair, France Deval. Recherche INA, Aude Vincent. Recherche discographique, Romain Couturier. Prise de son, Marcos Darras. Mixage, Manuel Couturier. Petit homme par étrange bizarrerie, de mère nature, de maman Lucie, j'étais bonobo, clama la bonobo, pas peu fier en ça, de suivre la filière, à mes cousins masculins. Je me demande, soupire le bonobo.